Motso yo, motso oyo, azane la ka, ye akufa kaze. Kino ye, kino ye, akokoma, bongonde akokufa. Motso yo, motso oyo, azane la ka, ye akufa kaze. Kino ye, kino ye, akokoma, bongonde akokufa. Sa victoire. Kia kolia Bakena ki kokumba mela Joseph namboka ezipito Bayeba kite wana leki na bango lisa kolie ko kisami moto yo moto oyo azanela ka Isaï Babi misi mi bali bavimba bapake Mokonzi azala kite Yewana na zamba azali kobima Na solo ya bambate Mwana mokoyo Davide mokonzi Lisa kolieko kisami Moto yo Moto boyo Azane laka Chaka para yo, na kokufate, kino na komona. bien aimé. Et ça m'a tombé sous le corps, j'étais baninga. Mais ben, il y a un yote, yote. Yo, y'a mis qui porte à l'ipambolina, yon des Yeah, Nakati Amabo.